Chapitre 13, page 103, exercice 4. 1. À Paris, il y a une rue Saint-Sébastien, un passage Saint-Sébastien et une impasse Saint-Sébastien. 2. Elsa s'est laissée séduire par ce bel homme qui parlait si bien, mais qui l'a trompée. 3. Mourad n'a pas cru un instant aux excuses que lui donnait Violaine, car on ne le trompe pas facilement. 4. Daniel espérait que ses frères, en qui il a toute confiance, le soutiendraient dans cette épreuve. Mais cela n'a pas du tout été le cas. 5. La mère espère toujours que son fils finira par ranger sa chambre, ce qui serait un miracle. 6. Oh zut! Le rendez-vous était ce matin et non cet après-midi. Il est vrai que, d'habitude, ce genre de réunion se passe toujours le matin.